My favorite holiday is the 4th of July. And when the sun goes down, we're gonna make the sparks fly on a blanket underneath the stars. C'est Julien Gasque avec sa chanson « Fuck », qui est pas l'animal, l'autre mot. C'est une chanson qui est extraite de son album « Serre, biche et fan » qui sort le 21 octobre. Et il y a même une chanson sur cet album-là qui s'appelle « Canada », donc c'est vraiment à écouter ou à suivre. En fait, ça sort le 21 octobre. Et sinon, au sujet de Julien Gasque, ben, c'est son premier ou deuxième album solo, mais il fait déjà partie là, du groupe Aquaserge qui a sorti plus tôt cette année un album avec April March. Également, Monsieur Gasque joue également sur scène avec Laetitia Sadier. Voilà qui quelques informations supplémentaires à son sujet. Vous avez aussi entendu dans les dernières minutes Mike Krovacek avec la chanson 4th of July qui est tirée de l'album Trust Fund. Et c'est également une autre nouveauté. On avait commencé avec Scott and Charlene's Wedding, Faking New York City. Et ben, si vous voulez retrouver la liste des chansons qui tournent pendant l'heure, habituellement, ça se retrouve sur le CISM893.ca. Mais là, on est en changement de site Internet. Ça va être à surveiller parce que demain, au courant de la journée, il y aura la nouvelle version du site Internet vraiment revampée. Et vous devrez retrouver même les balado-diffusions, les podcasts des dernières semaines vont se retrouver là à partir de demain. Et il y a le lancement du nouveau site au Divan Orange mercredi prochain, donc vers 15h ou 18h à peu près. Maintenant, on va écouter un truc qui est sorti en 2001. C'est de l'indie rock un petit peu à tendance shoegaze, non pas shoegaze, mais plutôt emo. Vous allez voir, ça change un peu de rythme. On écoute Rainer Maria et la chanson Artificial Light sur les ondes de CISM. Artificial light, no one defies. Artificial De la compilation Sick of It, volume 1, c'était Play Lounge et leur chanson Grandma That. C'était précédé des Australiens de Violent Soho et leur chanson Fur Eyes, on le sait, ils l'ont dit tout le long. Et c'était quand même du bon rock alternatif sympathique comme on l'aime. Et parlant de sympathique, on écoute maintenant les Parisiens de Venera 4 ou Venera 4 qui sortiront un mini-album Def Arts le 14 novembre prochain. Notez ça, ils offrent une espèce de shoegaze assez rythmé. Vous allez entendre ça dans quelques secondes. On écoute Def Heart Beats de Venera 4. Ce sera suivi de Autolux. Tout ça sur les ondes de CISM 89.3. jusqu'à 20h. L'émission Le Terminus se poursuit. Jean-François Lusignan avec vous. Vous venez d'entendre Guillermo Sexo, un groupe de Boston, et leur chanson Fall Lands et leur album Dark Spring sortait, lui, au début du mois de septembre. Et je vous recommande, si vous avez aimé ce que vous avez entendu, de jeter une oreille au matériel qu'ils ont sorti depuis 2005. C'est tout en écoute là, sur leur page Bandcamp, guillermosexo.bandcamp.com. J'aime ça dire le nom de ce groupe-là. Juste avant, c'était Here Comes Everybody d'Autolux. On va continuer avec trois autres nouveautés. Il y aura des groupes locaux, Les Erreurs et Solids. Mais pour commencer, voici Rotten Hell de So Pitted. Yeah! compliquée, ambiguë du duo montréalais Les Erreurs avec un Z au début. Ils seront en spectacle le 1er novembre au Quai des Brumes dans le cadre du lancement du nouveau EP de Montréal Carnivore. Donc, 1er novembre, Quai des Brumes, si vous voulez les voir sur scène. Et dans le dernier segment, il y avait aussi d'autres groupes, un autre groupe local en fait. C'était juste avant Solids avec Cold Hands, qui est une chanson qui se retrouve sur leur nouvel album Blame Confusion qui sort demain, mais qui avait également aussi figuré sur un 7 pouces que le groupe avait sorti l'hiver dernier avec un autre groupe dont j'oublie le nom. On va écouter maintenant une chanson qui date de 2004. Il s'agit d'une chanson de Blood on the Wall, Mary Susan, sur les ondes de CISM. Foxtrot de la formation de Québec, Charlie Foxtrot. Ils sont actuellement à travailler sur un deuxième album pour faire suite à Mise en Abîme qui était sorti en 2011. Et je voyais tout à l'heure sur leur page Facebook qu'ils seront en spectacle, si vous êtes dans le coin, au Vieux Bureau de Poste à Lévis le 1er novembre. Là, question de casser ces nouvelles chansons-là du nouvel album. Donc, si vous êtes dans le coin, allez faire un tour au Vieux Bureau de Poste. Et juste avant, c'était Sylvie de la formation La Chose. Ça faisait partie d'un petit démo de quatre chansons qu'on a reçu ici à la station, mais ils ont sorti depuis un album qui s'appelle Le Guide d'instruction. C'est disponible en écoute au moins sur lachose6.bandcamp.com si vous voulez en entendre plus de La Chose. Si vous voulez aussi retrouver la liste des chansons qui ont tourné pendant l'heure, ça se retrouvera dans quelques instants sur le CISM893.ca, où ça se pourrait que ça se retrouve seulement demain sur la nouvelle version du site internet de CISM. Donc soyez au courant, pas au courant, soyez à l'affût demain dans la journée de ce changement-là sur le nouveau site de CISM. Et sinon, les archives de l'émission, c'est toujours sur leterminus.ca. On va se quitter avec quelques secondes de la formation Vidéoville. Je vous invite à rester à l'écoute dans quelques instants. C'est Romane Blouin qui sera là avec l'émission Nous sommes les rockeurs. Je m'appelle Jean-François Lusignan. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. On se reparle lundi prochain, 19h, pour l'émission Le Terminus. Ciao! Vivez l'événement cinématographique de la rentrée. Voyez La vie d'Adèle, chapitres 1 et 2 d'Abdelatif Kechiche. Voyez le gagnant de la prestigieuse Palme d'Or du Festival de Cannes dès le 11 octobre, seulement dans les cinémas. Une troublante histoire d'amour dont tout le monde parlera. La vie d'Adèle, chapitres 1 et 2, est explosivement sexy, selon The Guardian. Émouvant, sensuel, torride, vibrant et beau, selon la presse. La vie d'Adèle, chapitres 1 et 2, au cinéma dès le 11 octobre. Le festival jazz à l'année. Des concerts qui plairont à tous. Sur scène, George Drexler pour une soirée mariant pop, folk et sonorités d'Amérique du Sud. La formation montréalaise Quart Tango mélange tango, jazz et musique classique. Le pianiste canadien du boogie-woogie, Michael K. Shammer. Et un amalgame de jazz, de funk et de soul avec The Soul Jazz Orchestra. Billets sur montrealjazzfest.com. Une présentation de TD en association avec La Presse Plus et CISM. La 12e édition du festival Spasme. Trois fins de semaine de cinéma insolite, de show live et de party. Ça débute ce vendredi 11 octobre au Théâtre Plaza avec une projection hommage au club vidéo et une exposition VHS. Samedi 12 octobre, c'est un programme double avec le slasher québécois Disco Pat, suivi du fameux cabaret trash animé par les Picbois et Franck Grenier. Et ça ne fera que commencer. Les week-ends suivants, ne manquez pas la supplémentaire de Total Crap 10 au Club Soda, la grande soirée horreur et le méga party d'Halloween old school. Pour la programmation complète, consultez spasme.ca. L'Omnium du rock mis au jeu est de retour pour une 10e édition. Ça commence cette semaine avec 32 groupes qui feront partie de la plus importante compétition de bands au Québec. Manquez pas cette semaine les rondes préliminaires de l'événement rock de l'année. Mercredi, jeudi, vendredi et samedi au Café Campus. Visitez le omniumduroc.tv pour voir la programmation complète. L'Omnium du rock mis au jeu, une présentation de CISM en collaboration avec Steve Musée. Pour sa 42e édition, le Festival du Nouveau Cinéma de Montréal accueille 273 films de 47 pays. Du 9 au 20 octobre 2013, le cinéma à son meilleur vous attend au festival.